Regardez qui je s'appelle, nous toute la race. Maintenant c'est un tel, un tel, pas un tel, mais nous toute la race. Peu importe quel jour, peu importe la sortie, nous barrons français. C'est l'esprit jaune, nous tout café. I say yeah, yeah, yeah, oh yeah. Regardez, gens nous qu'avancer ensemble. Pas d'avoir nous café.